français, des salines, des bases élémentaires. J'en ai tout plein le brouillon. Travaille à la bouquère. Posez-moi des questions. On n'est pas des cornichons. Je fais les petites écoles, je sors des hauts brios. J'ai la mention guignol. En histoire de Toto. Celle de cheval.